Oh my goodness, an invisible boy. Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 49e numéro de Sur nos écrans. À l'heure où vous êtes sans doute en train de tout juste vous remettre du season final de The Walking Dead, nous, on a choisi de vous parler un petit peu de super-héros différemment à travers le film Il Ragazzo Invisibile, le garçon invisible sorti l'année dernière sur les écrans de cinéma français. On vous parlera bien sûr de Walking Dead et de toutes ces choses-là, mais un petit peu plus tard, tout simplement parce que pour nous, c'est encore pas diffusé. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 49e sur nos écrans. Avec moi, comme pour le Mac de mardi, Arnaud. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Donc bon, on peut même pas réagir à ce final, hein, puisqu'il va être diffusé ce soir pour nous, enfin cette nuit. Ouais. Parce que ça nous manque vraiment. Ah, quand même, savoir qui va y passer, ça m'intéresse. Avec les deux derniers épisodes épouvantables. Savoir surtout si ce qu'on a vu à la fin de l'avant-dernier épisode va vraiment se réaliser, auquel cas on pourra sortir le champagne. Voilà, il y a quand même quelques enjeux qui m'intéressent. Mais ça, on en parlera dans une semaine. On va parler aujourd'hui, donc, je l'ai dit en préambule, d'un film alors qui est sorti, ça fait un petit moment maintenant, hein, puisque c'est un film qui est sorti en France au cinéma le 15 juillet 2015, à peu près en même temps qu'Ant-Man, qu'il a été très difficile de voir pour le public français, parce qu'il est sorti juste dans quelques salles. Hein. Une. Ah bah, c'est même pas quelques, c'est une. Et il a quand même réussi à faire 9088 entrées. Quand même. Mal. En France, et il a cumulé au box-office mondial $5,274,000. Bien. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour. Voilà. Il est presque remboursé parce que le budget du film, c'est $7,960,000. On va voir est-ce qu'avec ce budget-là, on peut réussir un film décent ou est-ce qu'on a besoin de 250 millions comme Zack Snyder ou pas, tout simplement. Juste pour vous parler du projet. Bah Arnaud, c'est toi le premier qui a vu ce film, donc bah, si tu veux bien nous présenter un peu comment ça a été créé, tout ça, parce que c'est assez particulier. Oui. Alors, je vais raconter peut-être un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un gamin de 14 ans à peu près. Je crois qu'il a même exactement 14 ans. 14 ans, qui s'appelle Michel, et qui se découvre un pouvoir. Il peut devenir invisible. Donc après, s'en suit des aventures, une petite aventure, etc. Ça sent bon les films de Spielberg avec des gosses, mais là avec des pouvoirs. Et le projet est particulier comme idée parce que c'est un projet qui a été créé comme un projet cross-média en fait. Ils ont sorti le livre, justement non, ils ont sorti le film au cinéma et en même temps ils ont sorti des comics. Ils en ont sorti trois donc et ensuite ils ont regroupé dans un graphic novel, et ils ont également en même temps sorti un roman, tout ça en même temps que la sortie cinéma. Ouais. Donc les comics sont quand même, précision importante, publiés par Panini Comics en Italie. Et le film est coproduit par Pathé quand même. Voilà. Donc ils sont sortis les trois comics donc en fin 2014, trois titres en kiosque, et puis après tu l'as dit le relier. Alors pourquoi j'insiste sur le fait que c'est Panini qui sort ce projet, c'est parce qu'en France, jamais Panini nous a parlé du garçon invisible, puisque c'est le titre français. À aucun moment on a entendu parler de ce film, ne serait-ce que sur la page Facebook de l'éditeur. C'est ça. C'est quand même la même boîte, hein, parce que Panini c'est une boîte internationale, donc c'est eux qui publient ça en travail original, indépendant, et la filiale française n'est pas foutue d'en parler. Ou de alors, sortir aussi. Alors que le film, bah, on leur demande même pas d'en sortir. Parce que, voilà, le jour où ils sortiront un truc comme ça, ils tomberont de la merde, j'ai envie de dire. Mais voilà, ils sont même pas foutus d'en parler. Le film est sorti certes dans une seule salle, mais ils auraient au moins pu mentionner ça. Et puis maintenant que le film a un peu de recul et qu'on sait qu'il va y avoir une suite, puisqu'il y aura une suite en 2017, bah peut-être Panini, il serait intelligent de sortir au moins le comics. Et oui. Puis si vraiment vous voulez faire bien les choses, vous mettez le DVD dedans. Il n'y a pas de DVD français, par contre. Non, le DVD n'existe pas en français. Mais après, Même si c'est une VO sous-titrée, peu importe, mais au moins faire la démarche de proposer quelque Ouais. chose, voilà, puisque la suite aura forcément un peu plus de budget, puisque ça a bien marché au niveau de la critique et que, a priori, avec très peu de promos, ils ont réussi à quasiment rembourser leur film. On se doute que ça va être un peu plus travaillé, il y aura un peu plus de moyens sur le numéro 2. Voilà, que va faire Panini au moment de la sortie du 2? Que Rien dalle. encore, rien encore. Alors que si ils avaient réfléchi, ils faisaient un petit peu de promo pour au moment de la sortie du 1, ça aurait peut-être poussé des gens à aller le voir. Hein. Parce qu'il y a eu très peu de promo. J'ai découvert le film en voyant une affiche dans la rue. Bah oui. J'ai jamais vu de bande-annonce ou quoi au cinéma, rien. C'est juste en voyant une affiche au détour d'une rue. Donc voilà, quand on a la chance dans sa boîte d'éditer des comics qui sont en plus adaptés en même temps au cinéma et qui reçoivent un bon accueil critique, et quand on a la chance que ces comics soient dessinés entre autres par Giuseppe Camuncoli et Alessandro Vitti, bah on fait quand même un effort. Ça demande un peu trop là, Panini. Moi, ça me choque un peu tout ça. Donc le DVD, voilà, si vous voulez voir le film vous aujourd'hui, avant qu'on en parle et qu'on rentre un peu plus dans le détail, si vous voulez voir vous le film aujourd'hui en France, vous n'avez pas possibilité de le voir en DVD parce qu'il n'est jamais sorti en DVD. Il est dispo quand même sur les plateformes VOD, genre Vidéo Future, Orange Ah ouais, quand VOD, même. MyTF1 VOD, voilà. Donc vous pouvez le louer entre 3,99 et 4,99 selon si vous prenez de la HD ou pas. Il est dispo en VO, VOSTFR ou VF, et vous pouvez l'acheter entre 13,99 et 16,99 selon les plateformes et selon la qualité, là encore. Donc voilà, il y a quelques plateformes. Si vous allez sur la page, sur Allociné, tout simplement, sur la page du film, vous allez dans VOD et vous avez tous les sites qui le proposent en VOD. Donc on peut quand même le voir en dématérialisé de manière légale en France. Il y a même une VF, je suis étonné. Oui, il y a une VF. Oui, parce que moi, Oui. je l'ai vu en VO et je l'ai revu en VF. Je l'ai vu en VF, moi. Donc, D'accord. il y a les deux. Donc voilà, si vous voulez le voir, on vous en parle parce que aussi, c'est possible de le voir de manière légale. Après, même si ça n'avait pas été possible de le voir de manière légale, on vous en a quand même parlé parce qu'il vaut le coup et qu'après tout, bah, ils font pas d'efforts pour le sortir. Bah, voilà. On va faire les choses par nous-mêmes. Regardez-le comme vous pouvez. Donc, titre original, Il ragazzo invisibile, réalisé par Gabriele Salvatores, avec au niveau du casting, tu parlais de Michel, alors Michele peut-être, Mickey, Oui. Oui, je pense. pour son surnom, joué par Ludovico Girardello, et puis on a également le personnage de Giovanna, joué par Valeria Golino. Après, sous les autres personnages, voilà, c'est des acteurs italiens, voilà, pas très... italiens ou russes hein, pour certains, pas forcément très connus, donc on va pas. Mais au moins, La c'était mère est un peu connue quand même. les. Ouais. La mère est un peu connue? Oui, elle a joué dans des films français, je crois. D'accord, il n'y a pas Elle a un joué dans nom. Rain Man déjà. C'est pas français, mais elle a joué dans Rain Man. D'accord. Mais il n'y a pas un nom dans le truc qui me Et parle. elle a joué dans des séries américaines aussi. Ok, donc le film dure 1h35 à peu près. Donc l'histoire a été racontée par Arnaud et maintenant on va pouvoir parler un petit peu de ce que ça vaut. Puisqu'on en parle un an après, c'est quand même a priori que ça vaut le coup. Donc Arnaud, tu as été l'instigateur de tout ça. C'est toi qui nous a contaminés à voir le film, donc tu donneras ton avis en dernier, parce que c'est ça. Le dernier à l'avoir vu, c'est toi, Clément, puisque moi aussi j'ai rejoint la danse et je vous ai un peu tous saoulés pour que vous finissiez par le voir. Donc Clément, tu l'as vu il y a peu de temps, toi, et qu'est-ce que tu en as? Oula, j'ai eu une coupure là. Allô? Mais un pansement, c'est pas T'es con. grave. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah non, c'est en pensée sympa quoi. C'est pas, ça change. C'est, je sais pas trop quoi dire quoi. Dis-toi que j'ai vu le film, il est sorti en France en même temps qu'Ant-Man. Donc si tu compares Ant-Man, Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est pas du tout pareil. Mais disons que c'est enfin. largement mieux. Non mais voilà, c'est beaucoup mieux quoi, parce qu'il y a un autre propos. Déjà, c'est enfin l'histoire est quand même beaucoup plus sympa, c'est original, c'est ça change de ce qu'on voit, enfin de ce qu'on voit chez le gros cinéma quoi. Et comme quoi, comme quoi, c'est je savais pas que c'était un budget, c'est 5 millions, c'est ça? Ouais, c'est 7 900 000. Et bah comme À quoi, peu près. honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'il y avait seulement un budget de 7 millions parce que ça se sent absolument pas. C'est franchement super bien réalisé. Non, c'est franchement c'est super sympa quoi. C'est rafraîchissant, on va dire. Ouais. Donc ouais, effectivement, hein, quand on compare, voilà, c'est 8 millions de budget et les effets spéciaux fonctionnent. C'est ça. Hein? C'est quand même pas dégueulasse, puisqu'on parle quand même d'un personnage invisible, donc il y a quand même des effets spéciaux insérés. Il y a une scène finale qui est. Alors certes, on n'est pas dans le gros dans le gros blockbuster, hein, Mais ça mais fonctionne. voilà, c'est crédible, C'est plutôt bien fait, ouais. c'est assez spectaculaire et ça fonctionne. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est. On est dans le super-héroïque, mais on a quelque chose d'un peu intelligent et même par moments, j'ai trouvé beaucoup de poésie dans le film. Oui. Et c'est trop rare pour voilà, pour que ça, voilà, ça mérite vraiment d'être souligné parce que c'est trop rare d'avoir des films super-héroïques comme ça avec ce degré de poésie. Voilà, y a plein de moments hyper touchants dans ce film-là Oui, et puis et ça manque. c'est très poétique, et en plus de ça, il y a tout un aspect sur le passage à l'adolescence. Il y a tout un côté par rapport à ça, toutes les interrogations qui Oui, entourent parce que finalement, l'adolescence. ce qui lui arrive au niveau de ses pouvoirs, donc juste pour quand même resituer un peu l'histoire plus en détail, Mickey, donc Michele, est un garçon qui est plutôt martyrisé dans son collège. Hein, il est un peu le souffre-douleur, notamment de deux grosses brutes. Voilà, truc a priori un peu habituel. Voilà, souvent, on nous présente les personnages un peu comme ça. Et puis, bah, il va y avoir une soirée de carnaval qui va être organisée, ou Oui. d'Halloween, je sais plus, ouais, peut-être Halloween. Il va se faire évidemment piquer le fric qu'il avait pour acheter son costume de Spider-Man parce qu'il rêvait d'être déguisé en Spider-Man. Et il va se retrouver dans un espèce de boui-boui hyper gulot qui a acheté un costume à 5 euros, costume d'un super-héros chinois, soi-disant. Et la soirée va mal se passer pour lui, il va faire un vœu, le vœu de disparaître. Et c'est ce qui lui arrivera dès le lendemain matin parce qu'il va devenir invisible. Et pour lui, c'est le costume qui est magique et qui lui a donné ce pouvoir-là. Alors que c'est Il son devrait. pouvoir. Alors qu'on s'apercevra plus tard qu'en fait, il y a des histoires de mutations génétiques et compagnie, et ça va bien au-delà du simple pouvoir apporté par un costume. Donc effectivement, quand tu parles de l'adolescence, Clément, effectivement, sa mutation, elle arrive à un âge où aussi Ouais. il est à l'adolescence, et du coup, bah, chez lui, les changements vont être un peu plus radicaux, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous sommes rejoints par Irish qui arrive en cours de route. Salut. Salut, salut à tous. Donc tu as vu aussi The Invisible Boy Oui, le suite à ragatou est la visible. grande campagne qu'on a menée avec Arnaud. Tu t'es aussi Ah, laissé c'est ça. convaincre? Bah, il faut dire, c'était pas du rentre-dedans quand même, hein. C'était limite, si vous le voyez pas, faites plus partie de l'équipe. Oh non, Non, non, ça c'est pour j'exagère. épander la rentrée. Eh ben vas-y, Non. qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, c'était très rafraîchissant, très frais. Je pense qu'il y a le côté film italien mélangé avec film de super-héros qui faisait un cocktail assez, comme j'ai déjà dit, assez rafraîchissant. Au final, l'histoire est assez simple, assez simple, plutôt basique. Les effets spéciaux sont un peu, comment dire, pas rustres, mais c'est pas le truc qu'on va remarquer le plus, hein. C'est pas, comment dire, une société américaine qui a fait des effets spéciaux. Mais au final, on s'est facilement emporté par l'histoire, on s'attache au personnage. Bon, il y a quelques rebondissements qui sont pas, j'allais dire grossiers, pas grossiers, mais un peu qu'on voit arriver à des kilomètres. En même temps, en plus d'être tout ce que tu as dit rafraîchissant et machin, il y a quand même un vrai hommage aux comics et Oui. il y a certaines constructions, certaines choses dans l'intrigue qui font penser à des grandes histoires que tout le monde ou presque connaît. Enfin voilà, le gamin c'est quand même un mutant, que voilà, il faut quand même aussi placer les mots quelque part. Voilà, il y a une partie X-Men aussi Ah, complètement. dans le pouvoir qu'il a et dans la manière dont ils sont traqués, utilisés pour des expériences. Enfin voilà, il est fan de Spider-Man, voilà. Il y a plein de choses qui font écho et c'est peut-être ça qui paraît pas original. Oui, Peut-être pas je pense original, mais ça peut paraître convenu dans le sens où, comme tu as dit, ça reprend des thématiques qu'on a pu déjà voir dans d'autres films de super-héros. Comme tu disais, tu citais les X-Men, tu sens bien comment dire, la mouvance vers les X-Men et d'autres groupes aussi, puisque on s'aperçoit qu'il y a autre chose derrière plus tard dans le film, donc ça peut rappeler encore d'autres groupes de super-héros. Mais quand même, j'ai trouvé quand même que malgré la convenance du déroulé de certaines intrigues, il y a quand même un suspense qui tient pendant tout le Ouais. film, hein, en même temps qu'il réussit à développer ses personnages comme. Alors que certains films, Et on va insister là-dessus, comme d'autres films de super-héros n'y arrivent pas. Oui, voilà, c'est-à-dire que là, oui, ça rend hommage, ça reprend des choses bien connues, etc. Mais Ça n'oublie pas ce que c'est. ça s'en détache. Il faut quand même Il dire sait que aussi c'est que le l'acteur. réalisateur lui-même sait que c'est pas un film de super-héros à gros budget. Il en fait hommage à ces films-là et au matériel de base des comics, mais il se remet toujours dans le contexte qu'il est, un film à petit budget italien qui veut rendre hommage et qui veut pas faire comme les grands forcément. Bah oui, mais c'est aussi lié au fait que l'attente sur ce film-là est, on va pas nulle, mais voilà, on n'a pas la même attente qu'on a par rapport à un Non, c'est Avengers, sûr. permettre de faire un peu ce qu'on veut, de coller peut-être plus aux comics, comme tu dis, sans avoir le côté marketing pour rameuter un peu plus de monde, ce genre de choses. Ce qui fait que donc le film un peu est libéré de tous ces trucs-là et ils peuvent faire quelque chose d'assez intimiste. Oui. Après, on connaît pas nous, mais le réalisateur est pas non plus un manche en Italie. Donc il y avait aussi peut-être, c'est pas une attente, mais il était connu et on attendait son dernier projet. Alors qu'il n'avait pas l'habitude de faire ce genre de film. Bah, disons que il y a enfin cet aspect de poésie que moi j'ai ressenti dans l'histoire, elle ressort, ça ressort aussi vachement par le travail visuel. Oui. Il y a des plans qui sont super beaux, des mises en lumière à certains moments assez intéressantes et tout, et ça contribue vachement. Et plus la musique aussi qui est très douce, très pour Ouais. un film comme ça, la musique elle est hyper déconcertante quelque part, parce tout est très doux en fait, on se laisse porter dans l'histoire. C'est un film en fait, voilà, c'est pas un film, un gros blockbuster, c'est un truc, on va se laisser porter complètement dans l'histoire et on va arriver au bout d'une heure et demie sans vraiment s'en être rendu compte au final. Moi, ça m'a beaucoup fait ressentir comme si j'étais devant un film de Spielberg des années 90 ou un film type, je sais pas, avec pour héros des gosses qui mènent une aventure, je sais pas, type les Goonies par exemple, ou un film, enfin n'importe quel film avec un film de Spielberg avec des gosses et ce petit parfum des années 90 où on replonge un peu aussi de nous-mêmes dans notre enfance devant ce genre de film. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Au niveau du jeu des acteurs, on a quand même un casting très jeune, Ouais. notamment Mickey, hein, le personnage principal, et qui en plus, ben, pour moi, hyper convaincant. Ah Enfin, ouais, complètement. lui en Oui. tout cas, il m'a un peu scotché par moment et il joue vraiment très justement. Il contribue aussi au fait que voilà, j'ai autant aimé ce film. Ah oui, non, mais Oui. c'est. Je trouve que le casting ne pêche pas vraiment, quoi. J'ai pas ressenti. Ouais, peut-être un peu un ou deux du côté des vilains là, qui sont un peu Ouais, caricaturaux. ça c'est vrai, caricatural, mais bon, Ouais, les après, vilains sont russes, quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu, c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire au film, quoi, comme par hasard, c'est ça, tous les vilains sont russes, c'est peut-être Donc du un peu film. trop facile, quoi. Pour reprendre aussi ce qu'Airi disait sur le manque de surprise, peut-être, et le peu d'originalité et tout ça, le film en est vachement conscient, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, puisque, notamment sur le cliff principal, qu'on a à la fin du film, j'ai pas envie de spoiler parce que peu de personnes l'ont vu, mais vous voyez ce que je veux dire sur ce qu'il y a dans le sac à dos. Ouais, On le c'est. comprend très tôt, parce qu'il y a une image à un moment qui te fait comprendre que, bah, voilà, ce sac à dos, il y a quelque chose. Moi, honnêtement, j'avais pas capté. La première fois, non, j'avais pas capté, mais la deuxième fois, effectivement, t'as un énorme indice quand ils sont en train de s'enfuir. Ah bon? T'as un énorme indice, la jeune femme fait quelque chose et tu comprends que ce sac à dos, il est important. Ah, j'avais pas attendu. Voilà, elle fait quelque chose au moment de lui dire au revoir, enfin, tu reverras juste la scène éventuellement, mais donc du coup, quand j'ai vu ça, je me dis ouais, mais le film, du coup, il nous donne quand même des indices, il est assez conscient qu'au final, il n'a pas l'ambition de nous surprendre. L'ambition, c'est pas de nous retourner la tête avec des retournements de situation en permanence pour ce film-là. Ah non, pas du tout, et pas besoin même, parce qu'il fonctionne très bien comme dans sa structure là. On n'a pas Ouais. besoin de multiples rebondissements, twists, super originaux ou quoi que ce soit. Les personnages fonctionnent, le charme du film fonctionne, l'intrigue, le déroulement de l'intrigue est correct et a vraiment pas de quoi avoir honte par rapport à d'autres Non, non, pas films. du tout. Ah bah non, non, non, non, surtout, encore une fois, j'insiste sur avec un budget aussi petit. Oui. Ah ouais, Là, complètement. on est Quand sur un tu budget et où quand tu vois même les comédies françaises ont plus de budget, quoi. Oui. Et Dieu sait ce que sont les comédies françaises. Vous allez peut-être me lancer la pierre, mais comme tu disais par rapport au fait que t'as les films français ou les téléfilms français, ils ont parfois des budgets plus élevés et pour pas faire mieux que ça. J'ai quand même parfois l'impression de regarder, je ne sais pas, une sorte de téléfilm du lundi, mais en beaucoup mieux. Oh, Quand même, non. non, c'est Bah, méchant. c'est un peu Bon, exagéré quand même. peut-être le fait que quand tu vois au grain de l'image la façon dont c'est filmé, tu sais que tu n'es pas dans un film américain. Donc tu Bah reconnais. justement. Ah bah non, c'est clair, c'est C'est clair. clair. Voilà, tu reconnais instantanément Bah, quelque mais chose directement, du coup, d'européen. déjà, tu les écoutes, tu comprends que c'est pas un film américain, déjà. Oui, mais c'est donc du coup on en revient à ce point-là. C'est ce qui m'a fait cette état d'analogie. Donc généralement c'est pas ce n'est ni américain ni anglais. Parce que moi Non, c'est plus le cinéma que. et même ni français, tu le reconnais à l'image aussi. Enfin, y a quelque chose où tu. Enfin, Oui, tu le reconnais, c'est c'est bizarre, bizarre. on le dit souvent concernant notamment les produits allemands. Ouais, voilà, On exactement. reconnaît tout de suite un film ou une série ou quelque chose qui est allemand. Que ce soit une série ou tout, voilà. Y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais on reconnaît qu'on est en Allemagne. Et ben là, j'ai presque. Voilà, j'aurais presque reconnu qu'on était en Italie. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans la lumière, notamment. Oui, oui, Qui... oui. Les films Exactement. italiens C'est pour ça que moi, dans ma utilisent tête, je beaucoup me de serais dit, lumière. Hein. Les films ce italiens film-là au utilisent beaucoup de cinéma. lumière, alors que les Allemands, ils ont plutôt tendance à voir hein, une lumière peut-être un peu plus brute et réaliste que. Là, en fait, il y a une douceur dans l'image qui colle bien avec ce que moi je m'imagine du cinéma italien ou du peu que j'en ai vu. C'est ouais, voilà. Il y a quand même une question qui a été soulevée à un moment, que ce soit entre nous ou même sur quelques petits commentaires. Alors, je suis allé écouler les internets jusqu'au tréfonds pour trouver des commentaires sur ce film et voir un petit peu si voilà. Il y a une question qui est revenue souvent. Enfin, il y a un thème en tout cas qui a abordé quasiment tout le temps quand j'ai pu voir des avis là-dessus. C'est la nudité. Oui. Oui. Puisque dans ce film, le personnage principal, le héros, quand il découvre ses pouvoirs, ben on le découvre, il les découvre à la sortie de la douche, donc il est nu et on le voit nu à l'écran. On le voit nu en pleine rue également, sur la plage. Alors là, il y a plein de moments où l'acteur est complètement nu. Donc c'est un acteur jeune, hein, qui a à peu près 14-15 ans, j'imagine. Et du coup, ça a fait un peu tiquer certains qui ont peut-être senti, ouais, qui sont peut-être un peu sentis gênés vis-à-vis de ça, etc. Et je crois qu'Arnaud t'en faisait partie. Je ne sais pas les autres du tout, mais je crois que toi, t'avais. Bah, c'est surprenant parce Ouais, qu'en France, surprenant. on a plutôt tendance à, bah, même en France ou même aux États-Unis, dès qu'il y a un acteur ou une actrice mineure, hein, il n'y a pas la nudité, est impossible. Déjà, juste, je sais pas, imaginons que tu dois demander à un enfant d'enlever son t-shirt parce que, je sais pas, il sort de la douche, par exemple, dans un film, hein, c'est assez mal vu, c'est assez rare. Hein. Là, de voir ses fesses, c'est assez surprenant. En plus, je sais pas si c'est parce que je pense à ça, je me suis dit, oula, les Italiens, ils ont pas trop de problèmes avec la nudité, mais j'ai l'impression qu'à un moment, le réalisateur, il filme, il pose la caméra au sol, et pour filmer la gamine qui monte, et du coup, tu vois sa culotte. Ah bon? Ouais, moi j'ai jamais remarqué cette image. Pourtant, j'ai vu le film deux fois et j'ai essayé de faire attention et j'ai pas remarqué ça, donc ça m'a vraiment pas heurté. Moi Ah non non plus. plus. Celui qui était avec moi au ciné, il l'a vu et j'ai entendu des gens en sortant du ciné qui en parlaient aussi. D'accord. Ah bon? Et toi, Iris, t'as été heurté ou Non, interloqué par ça? j'ai pas été heurté, mais je me suis quand même posé la question. J'ai quand même Ouais, trouvé c'était vachement osé. Ils sont plus Et laxistes en Italie, on dirait. voilà, exactement. Je pense qu'aux États-Unis, ce truc-là aurait fait un tollé. Bah, ça aurait été je pense que c'est même interdit aux États-Unis vu comment ils sont conservateurs. Oui, voilà. Mais Mais j'avoue quand même, voilà, que quand la scène de douche où il est caché, il regarde les jeunes filles, ouais. voilà, il y a quand même eu un petit sentiment de gêne de mon côté. D'accord. Ouais. Mais bon, voilà, c'est Après, il n'y a assez pas de surprenant. quoi te Oui, couper alors du que moi là, film, j'ai pas tu passes à ressenti ça. J'ai pas côté. ressenti ça du tout. C'est pour ça quand Arnaud m'en avait parlé. J'ai dit, ah bon, ouais, non, bah moi ça m'a pas. Je suis passé dessus, mais alors il aurait été habillé, ou enfin, ça aurait été la même chose, quoi. Pour moi, c'est. Et même pour moi, ça fait partie de l'histoire, qu'il soit nu à ce moment-là, qu'il soit nu après dans la rue, etc. Ça fait partie aussi de l'histoire, parce que ses pouvoirs, il ne les maîtrise pas encore. Il n'y a que quand il est nu qu'il les maîtrise. Et pour moi, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la liberté. Oui, De ouais. la liberté que le personnage gagne avec ce pouvoir, c'est-à-dire que ça y est, il est enfin tranquille. On va enfin lui Oui. foutre la paix parce qu'il va passer inaperçu comme il l'a toujours rêvé. Et ça se matérialise par le fait de se mettre à poil et d'être à poil au milieu de la rue et au milieu de son collège sans que personne le voie. Et il n'a jamais été aussi libre qu'à ce moment-là. Et bah, c'est matérialisé par la nudité. Voilà. Et pour moi, ça colle tout à fait au propos. Et du coup, ça ne m'a pas choqué parce que c'était pas, y avait pas de C'est voyeurisme. pas gratuit. Oui, Puis comme ça, ça, tout c'est comme. lié avec le thème aussi, c'est un adolescent, donc à l'adolescence c'est le changement du corps, donc c'est pas pour rien que son pouvoir c'est l'invisibilité aussi. Et là, le fait que justement tu le vois nu, et c'est qu'il accepte ses pouvoirs, son corps qui change, et qu'il accepte de grandir et de devenir un adulte, en tout cas un adolescent pour devenir plus tard un adulte. Ça va aussi dans cette double lecture-là. Donc du coup voilà, moi ça m'a pas, je l'ai pas. Et en fait, c'est même pour vous dire, c'est que j'ai vu le film, on en avait reparlé après un peu plus tard avec Arnaud. Et en fait, c'est toi qui m'as fait remarquer qu'il était nu dans le film, je m'en étais même pas consciemment rendu compte. Tellement pour moi c'était dans l'histoire et voilà. Et c'est après Après, j'ai dit ah oui c'est vrai une fois. Et puis en fait en voyant le film une deuxième fois, non c'est pas du tout une fois, c'est bien plus que ça. Mais je m'en suis c'est même pas aussi le aperçu. fait que ce soit dans le film, ce soit un gamin, et que dans les films de super-héros de ce type-là, on a l'habitude, comme on citait les X-Men tout à l'heure, dans les comics X-Men, il y en a beaucoup qui sont aussi adolescents, de jeunes adolescents à peu près son âge. Et dans les films, on nous les a vieillis. Et ça, c'est un truc très américain de vieillir tes personnages pour justement leur amener plus de des intrigues qui seraient très mal vues si c'était des adolescents de 13 ans. Je cite, c'est pas des super-héros, mais tu cites Game of Thrones. Dans les bouquins, Daenerys, elle a 12 ans et Ouais. ils l'ont vieillie à de 10 ans dans la série Pour pour que la ça montrer à passe. poil, pour qu'on la voie à poil. Et pour qu'elle Alors se que fasse. dans le livre, elle est décrite nue et elle se fait violer. Bah, tu montres une mineure nue se faire violer dans la série alors que ça passe pas aux États-Unis. Donc ils l'ont vieilli. Du coup, j'ai l'impression que dans les pays anglophones et dans d'autres pays qui sont assez liés à cette culture-là, comme la France, peut-être que justement on a tendance à vouloir vieillir les personnages pour montrer ce genre de choses et parler de certains thèmes qu'on serait gêné d'aborder si c'était un mineur. Hein. Alors que l'Italie semble peut-être plus ouvert et tant mieux, ça va avec le propos du film. Oui, puis en France, même sur TF1, sur France 2, notamment dans leurs séries françaises ou les téléfilms français qui pouvaient être produits il y a encore 10 ou 15 ans, c'est des choses qu'on voyait parfois, hein. Ah ouais? De C'est vrai. jeunes enfants dans leur bain ou qui sortaient de leur bain, etc. Ou, voilà, juste le temps que la maman ou je sais pas qui Ouais, il de me bain semble, mette la ouais. serviette sur son dos, effectivement, tu le vois à un moment de dos nu, etc. Sans que, voilà, à cette époque-là, ça n'évoque à aucun moment des questions de gêne ou quoi que ce soit. Ouais, Mais mais aujourd'hui, effectivement, avec toutes les affaires de pédophilie et maintenant, compagnie, 15 ans après, voilà. les boîtes de prod et les chaînes sont un peu plus peur. Donc voilà, c'était quand même une question qui était assez importante par rapport à ce film-là, parce que du coup, ça a soulevé des questions, des remarques, voilà, un peu partout. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a été noté plusieurs fois. Après, sur le reste, bon, on va avoir une suite en 2017. Youpi. Et il parle aussi d'une suite en comics ou pas, ou c'est Oui, juste le je film? crois, je crois. Je crois qu'ils vont faire un peu la même mécanique, hein. Il me semble que le script est écrit, etc. Donc, ouais. Enfin, j'espère en tout cas, et j'espère que Panini va en profiter pour rattraper. Très bien, oui. Moi, je lis pas l'italien, hein, sinon j'aurais acheté la version italienne, mais. J'ai un peu perdu mon italien, malheureusement. Mais voilà. Bref. Bon, que dire de plus à part que c'est un excellent film, enfin pour moi, c'est un excellent film de super-héros qui prend le temps un peu de se réfléchir, de réfléchir et aussi de faire ressentir des choses aux spectateurs. Autre que mettre 50 millions dans une scène de destruction massive, C'est voilà. ça. On va plus loin, on pose des questions et il y a une vraie sensibilité dans ce film-là qu'on ne voit jamais ailleurs. Et on s'intéresse aux personnages, contrairement à d'autres films. Ouais, et du coup, bah forcément, ça fait briller les acteurs et ça fait, voilà. Il y a vraiment une atmosphère très, très particulière autour de ça. Voilà, moi, je l'ai vu deux fois, ça ne m'aiderait pas de le revoir trois, quatre, cinq fois. Bah, pas du tout, alors qu'un Ant-Man qui était sorti le même jour ou presque, bah non, quoi. Maintenant, une fois, c'était déjà Même un trop. gardien de la galaxie, hein, qui avait été très feel good et compagnie, je le reverrais pas, je pense, avec autant de plaisir que celui-là. Clairement. Donc pour ceux qui veulent le découvrir, sachez que ce film est donc, je rappelle, disponible sur les plateformes de téléchargement légales, que ce soit MyTF1 VOD, Orange VOD, Vidéo Future, il y en a 5 ou 6 qui le diffusent, soit en location, soit en téléchargement définitif. Donc ben, voilà, faites-vous plaisir, c'est un film qui est vraiment passé sous le radar encore une fois en France, voilà, qui mérite d'avoir une nouvelle vie via la VOD. Donc ben, allez-y, et puis peut-être que si on est assez nombreux à le soutenir, on réussira à avoir peut-être plus de salles pour la suite, ou peut-être même une sortie DVD ou quelque chose, quoi. Ce serait bien. Voilà. Ou sortie du comics chez Panini, encore une fois. Coucou. Là, tu peux, là, tu rêves. Hein. Ma foi, oui, je sais. On va allumer un cierge pour ça. Ah non, non, je laisse Matt Murdock faire ça. Moi, je mets pas les pieds dans ce genre d'établissement. On va se laisser pour cette semaine. Donc, c'était le numéro 49 de Sur nos écrans. Numéro 50, la semaine prochaine. Numéro donc forcément un peu important. Hein. Et qui dit numéro 50 dit Batman 66. Oui. Pourquoi? Parce que bah, 50 ans. Hein. Donc, c'est les 50 ans du film Batman de 1966, mais aussi de la série animée et compagnie. Donc, on vous De la parlera série animée. de la série animée, de la série avec Adam West et Burt Ward. Parce que du coup, elle est presque animée quand on voit le générique. Mais non, la vraie série télé, c'était sur la Fox, non, sur ABC. C'était pas CBS? CBS. Oh, bah, c'était une chaîne américaine, quoi. Donc, on vous parlera en tout cas du film, et puis on dira quelques mots de la série, parce que c'est quand même très lié les deux, mais surtout le film, qui est ressorti au cinéma, sur Avant Paris. ABC. Qui est ressorti au cinéma sur Paris le même jour que le Batman v Superman. Donc en gros, en ce moment au cinéma, vous avez deux films avec Batman, ne vous trompez pas. Bon, je pense que là, la troisième semaine, il n'y en aura plus qu'un. Bon, eh bien c'est pas grave, il va arriver en province. Voilà. Je sais déjà qu'il va arriver sur Dijon le 4 mai. Voilà, il y a plusieurs villes de province qui devraient récupérer des copies du film. Donc voilà, ça peut être l'occasion de le voir un peu dans des conditions sympas au ciné. Donc nous, on vous en parle la semaine prochaine. Et sans doute que, vu le season final de The Walking Dead qui est sorti pour vous il y a quelques jours, il est possible qu'on vous mette exceptionnellement les deux émissions la même semaine et qu'on fasse un break après, plutôt que de vous faire attendre une semaine de plus pour vous faire le bilan de saison de Walking Dead. On verra, on n'est pas encore défini là-dessus, mais c'est possible. D'ici là, en tout cas, allez voir Il Ragazzo Invisibile et à la prochaine fois. Salut. Salut. But I think I heard your voice. But I never heard nothing. I never heard nothing. And I think I heard you speak. But I never heard nothing. I never heard nothing. Another match. She says we'll make it so long as I don't break it. But I'd give it all up just to hear you say that you love me. And I think I heard your voice. But I never heard nothing. I never heard nothing. And I think I heard you speak. But I never heard nothing. I never heard nothing. And I'm waiting for the day for you to say something. To say something. And I'm gonna start to pray that you'll say something. Just say something.